C'était sans conteste la star des cieux nocturnes cet été. En opposition périhélique, elle était à sa distance la plus proche de la Terre. Depuis 15 ans, vous n'avez pas pu la rater. Même en ville, un point rouge scintillant assez proche de l'horizon. Mars a brillé de mille feux et pas uniquement dans le ciel. Elle a également accaparé l'attention avec de multiples publications, notamment sur la détection de molécules organiques à sa surface ou d'un lac souterrain d'eau salée de plus de 20 km de large. Et ce n'est pas fini avec l'arrivée prévue en novembre de la mission franco-américaine InSight. Bref, en 2018, Mars, ça repart. Mars, l'eau, l'air, la vie, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout savoir de la planète rouge, nos deux invités consternés par mon calembour d'introduction sont aujourd'hui Caroline Fraissinet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse CNRS en astronomie au LATMOS, le laboratoire atmosphère milieu observation spatiale à Guyancourt. Et François Forget, bonjour. Bonjour. Planétologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur l'antenne de France Culture et en parallèle via notre fil Twitter. Là, on va vous poster plein de magnifiques photos de la planète rouge en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors, vie ou pas sur Mars, le débat continue de faire rage, même si les indices commencent à s'accumuler. En tout cas, il y a 60 ans, 1946, ça ne faisait pas grand doute. Que risquons-nous de trouver dans la planète Mars lorsque nous y serons parvenus? C'est la question que nous posons ce soir. Et cette question n'a rien de fantaisiste. Les évocations passionnées d'un romancier comme H.G. Wells ou d'un homme de radio comme Orson Welles risquent dans un proche avenir d'être confrontées avec la simple et stricte réalité. Le voyage dans Mars, le contact avec les Martiens, s'il y en a, n'appartiennent plus au domaine du fantastique. Les savants y consacrent leurs travaux et l'on se préoccupe dès à présent de soumettre ces travaux à l'épreuve des faits. C'est à quelques-uns de ces savants que nous avons demandé d'apporter à la Tribune de Paris un premier bilan de leurs recherches et de leurs réflexions. Il n'y a pas de chance de pouvoir vivre sur Mars dans des conditions confortables. Maintenant, y a-t-il là-bas des êtres vivants qui, eux, sont accommodés de ces conditions-là? Eh bien, ça n'est pas impossible, peut-être. Les conditions qu'on rencontre sur Mars sont tolérables, semble-t-il, pour des êtres vivants. Les températures sont plus froides que sur Terre, peut-être moins 10, moins 20 degrés au lieu de nos températures plus 10 ou plus 20. La pression atmosphérique est faible, ça n'est peut-être pas un obstacle absolu. Il y a un inconvénient toutefois pour des êtres analogues même à nos plantes, c'est qu'il n'y a pas du tout d'oxygène. C'est un résultat catégorique des observations spectrographiques prises par les Américains il y a une dizaine d'années, et il n'y a pas à revenir là-dessus. Voilà, des conditions de vie un peu moins confortables, vraisemblablement. En tout cas pour Gérard de Vaucouleur, qui est le secrétaire général de la commission de la planète Mars, qui est interviewé ici le 20 mai 1946 sur la radiodiffusion française. Des conditions de vie nettement moins confortables aujourd'hui, François Forget. Oui, oui, c'est vraiment une archive fantastique, parce que je connais bien, moi, les travaux de Gérard de Vaucouleur, qui se voulait être extrêmement sérieux. Il voulait faire table rase des fantasmes des années, et il a écrit un livre dont l'introduction commence par « Nous allons dans ce livre uniquement expliciter des faits avérés et démontré par la physique. » Et tout le reste du livre est faux. Tout le reste du livre est faux. Je vais pas le détailler ici, mais on peut analyser pourquoi l'origine de l'erreur, et il y a une cascade, à partir d'une hypothèse, il y a une cascade d'erreurs et on se trompe sur le climat de Mars. Alors déjà, lui pensait être pessimiste, entre guillemets, ce qu'on a entendu. Mmh. Et en réalité, ouais, c'est bien pire sur Mars. L'atmosphère est quand même très fine, à peu près 50-100 fois plus fine que sur Terre. Et donc, c'est vrai que, par contre, c'est vrai que la journée, dans l'après-midi, sur Mars, il fait 20 degrés. La surface peut monter jusqu'à 20 degrés Celsius. Par contre, la nuit suivante, la température chute jusqu'à moins 80 degrés. Mmh. Donc, on a un espèce de climat hyper désertique, hyper continental. Pour le reste, on peut le dire en introduction, ça ressemble pas mal à la Terre. C'est une petite Terre désertique. La durée du jour, c'est 24 heures 40 minutes. Les saisons, le cycle des saisons est un peu le même. Alors l'année est plus longue. Mais à part ça, voilà, pour le reste de l'émission, il faut imaginer une petite Terre désertique avec une atmosphère fine et un climat très, très hyper continental. Très, très fine. Parce que par rapport à la pression atmosphérique, par rapport à la Terre, Ouais, c'est à peu près 100 fois plus faible, mais disons que quand même, il y a des nuages, des tempêtes de poussière, toutes sortes d'activités quand même, il y a beaucoup d'actions. Caroline Vrécine, un petit mot sur cette archive de Gérard de Vaucouleurs en 1946. Oui, alors en fait, il parle de la vie présente sur Mars, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Mars, elle est quand même un petit peu plus hostile que la Terre pour abriter une forme de vie. Alors c'est marrant, il parle d'êtres vivants. Aujourd'hui, on parlerait plus d'une forme de vie, en pensant plus à des bactéries ou quelque chose comme ça, plus qu'à un être vivant qu'on verrait un peu plus macroscopique. Mais si on retourne dans le passé, il y a 3,5, 3,8 milliards d'années, Mars était encore plus proche de ce que ressemble la Terre aujourd'hui. Il y a 3,5 milliards d'années, une journée sur Mars, c'est comme une bonne journée d'été en Arctique sur Terre aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une sorte de faisceau de présomption vers... vraisemblablement, alors on va mettre tous les guillemets, prendre toutes les précautions possibles, mais vers vraisemblablement des formes de vie organique, justement, il y a 3,5 milliards d'années, à l'époque où il y avait encore de l'eau liquide à la surface de la planète. Alors il n'y a pas vraiment de faisceau d'évidence pour dire j'ai que... J'ai dit de présomption, pas d'évidence. Voilà. Évidence au terme anglophone du terme. mais par contre, on sait maintenant, grâce aux analyses qu'on a faites, notamment avec le robot Curiosity, qui est en ce moment sur Mars, que la planète, il y a 3,5 à 3,7 milliards d'années, qui est l'âge en fait du cratère dans lequel on a atterri, était habitable. Donc habitable, ça veut dire que les conditions étaient réunies au même endroit, au même moment, pour que la vie puisse apparaître. Donc il y avait de l'eau liquide, on avait une atmosphère qui était un petit peu plus épaisse, on avait de l'énergie apportée par le soleil, apportée par les différents types de roches qui produisent de l'énergie. On avait des conditions de pH et de salinité de notre eau qui étaient relativement clémente pour une forme de vie éventuelle. Et on avait la présence de molécules organiques, donc de la nourriture pour la vie, des briques du vivant, pour que la vie puisse éventuellement se développer. Donc les conditions étaient les mêmes que les conditions sur Terre au moment où la vie est apparue sur Terre. Après, ça ne veut pas dire qu'elle a évolué de la même façon. Mais si la vie est apparue sur Mars il y a 3,5, 3,7 milliards d'années, les conditions étaient réunies pour ça. François Forget. Oui, on peut ajouter que c'est quand même une enquête qui est irrésistible. Enfin, on a envie de la mener parce que, par exemple, un robot comme Curiosity sur lequel travaille Caroline est au fond d'un ancien lac et on a des sédiments. Il y avait de l'eau liquide là et tout a été déposé. Et alors, on a envie de chercher des formes de vie fossiles. Alors, typiquement, des bactéries fossiles, c'est assez dur à chercher. Mais en tout cas, l'enquête, on peut pas perdre parce que soit on trouve une forme de vie. Alors, c'est extraordinaire. On pourrait analyser si c'est quelque chose de différent de la Terre ou pas. Soit on trouve absolument rien. Alors là, pareil, faudra le démontrer, c'est pas facile, mais pourquoi quelque chose est arrivé sur Terre et pas du tout sur Mars? Et peut-être encore mieux, peut-être qu'on va trouver des étapes intermédiaires entre le non-vivant et le vivant. Faut savoir que sur Terre, maintenant, la vie moderne a complètement effacé toute trace de ce qui s'est passé entre aux origines de la vie. On sait pas quelles sont les étapes. Et peut-être que sur Mars, on va pouvoir trouver les étapes et répondre à une des questions les plus fondamentales dans la recherche, c'est-à-dire quelles sont les étapes pour passer à nouveau du non-vivant au vivant, et ça c'est une recherche formidable quand même. De l'inorganique à l'organique. Alors, on va revenir sur toutes ces actualités de l'été, pour commencer peut-être parce que ce spectacle, tous les gens qui ont jeté un œil, qui ont regardé un peu le ciel nocturne l'ont vu, c'était impossible de rater Mars cet été, c'était magnifique, vous avez pu l'observer, vous en avez profité vous-même, justement pour l'observer un peu mieux de la Terre, ou est-ce que finalement ça n'a pas changé grand-chose, Caroline Frécinet, pour vous? Alors, pas tant que ça, parce que donc je l'ai observé à l'œil nu. C'est vrai que même dans les villes très polluées, on pouvait voir un gros point rouge au milieu du ciel. C'était Mars. On levait les yeux, on était vraiment attiré par cette lumière. Et après, au niveau observation scientifique, donc moi je travaille plus dans l'observation qu'on appelle in situ, donc à partir des instruments qui sont au sol sur Mars, et puis donc d'essayer de le reproduire en laboratoire. Mais les observations à distance, c'est plus François qui s'en occupe. Alors vous avez j'avais braqué toutes les lunettes à votre disposition. Alors avec des collègues, oui, on a eu quelques programmes. On pourra en parler parce que cet été, justement, au moment où on l'observait, il y avait un phénomène météorologique étonnant, une tempête globale de poussière. Mais malgré tout, je voudrais juste ajouter que nous, c'est vraiment notre métier. On passe une grande partie de notre vie professionnelle à étudier les détails de la planète Mars. Encore une fois, on reçoit tous les jours des cartes postales venues des différents robots à la surface. Et ben là, on le voit dans le ciel. C'est plus la science-fiction. Mars existe. On la voit. Elle évolue. Et ça reste émouvant quand même. Et dans une lunette, j'ai juste regardé, j'ai pas moi-même, je suis pas un très bon astronome amateur, mais on a l'occasion d'aller un peu dans à l'occasion de la nuit des étoiles, tous ces événements-là, c'est quand même formidable. On peut regarder dans un télescope et puis on voyait. Alors, à cause de cette tempête, alors, globale, la poussière, ça masquait un peu la surface, mais on voyait les calottes polaires. C'était chouette quand même. Alors parlons-en un peu parce que c'est votre spécialité, François Forget, de vous occuper du climat de cette planète. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que on peut arriver à une tempête de poussière qui est commencée au printemps, au mois de mai, je crois? Comment est-ce que un événement climatique peut devenir planétaire? Qu'est-ce qui s'est passé à la surface de Mars? Alors, on a une bonne idée depuis longtemps de comment le climat, on va dire, la météorologie peut s'emballer comme ça. C'est assez simple en fait. Comme sur Mars, comme sur Terre, les vents sont liés au contraste de température. Parce que là où il fait froid, l'atmosphère est un petit peu plus dense, ça fait des gradients de pression et ça génère des vents. Un peu comme vous avez peut-être noté en France, quand il fait froid à Paris et chaud à Marseille, il y a du Mistral. C'est vraiment ça, c'est automatique. Et donc, lorsqu'il y a un petit début de tempête de poussière, ce qui arrive régulièrement, pour vous dire, c'est tellement proche de la Terre que vous allez tout comprendre, quand dans l'hémisphère nord, là on est à l'automne, il y a une dépression qui passe avec un front, une tempête, un peu de poussière est soulevée, ça met la poussière dans l'atmosphère, elle est chauffée par le soleil, et le fait qu'il y ait comme ça de la poussière quelque part, ça chauffe l'atmosphère, plus chaud que de l'autre côté de la planète, et ça crée des vents. Et ce qui est intéressant, c'est que plus il y a de vent, plus on soulève de poussière. Plus on soulève de poussière, plus ça chauffe l'atmosphère, plus ça en renforce les vents. Et donc là, on a un emballement. Hein, on comprend bien, plus il y a de poussière, plus il y a de vent, plus il y a de vent, plus il y a de poussière, parce que ça soulève. Alors, ça, on a bien compris depuis longtemps. On arrive même à le modéliser. On a des modèles de climat. On arrive bien à modéliser tout ça. Mais il reste des énigmes. Et une des grosses énigmes, c'est que des tempêtes comme ça, il y en a certaines années, mais pas d'autres. Et alors là, par exemple, il y en a une cette année. La fois d'avant, c'était en 2007, c'est-à-dire, nous, on a un autre calendrier. Cette année, on est année martienne 34. Et la dernière fois, c'était année martienne 28. Vous voyez, vous pouvez compter. La fois d'avant, c'était 25. Donc, il y en a tous les 3 ans, puis après tous les 5 ans. Et ça, on a du mal à comprendre. On a un doute sur le fait que c'est parce que quand il vient d'y avoir une tempête de poussière, il n'y a plus de poussière disponible pour la tempête suivante. Alors c'est facile, ça, il suffit de le modéliser, etc. Mais ça marche pas très bien. Donc il y a une bonne énigme. J'invite tous les gens qui ont des bonnes idées à nous contacter. Non, mais on a des idées. Écoutez, Si vous avez une idée pour résoudre l'énigme, c'est vrai que ça fait un événement planétaire un peu unique dans le système solaire avec une tempête qui littéralement est à l'échelle de la planète. Ça, on n'a pas ça sur Terre, heureusement. Du coup, on a dû interrompre Curiosity. Alors Curiosity qui a rallongé sa vie, qui prend pas sa retraite. Hein, parce que c'était une mission qui sortait durer quelques mois, ça fait 12 ans, ça fait 12 ans, 14 Alors en fait là c'est Opportunity. C'est Opportunity, pardon, autant pour moi. Mais là pour le coup à cause de la tempête, on a dû interrompre Curiosity parce que les panneaux solaires fonctionnaient pas. Opportunity, pardon. Oui. Voilà, donc Opportunity, elle fonctionne à l'énergie solaire. Donc quand il y a une tempête, on soulève des poussières dans l'atmosphère, on a beaucoup moins de rayonnements qui vont arriver à la surface. Donc on n'a plus assez pour recharger les batteries via les panneaux solaires pour Opportunity. Donc il est mis en mode de sûreté où il va attendre la fin de la tempête. Mais contrairement à ça, on a Curiosity, qui a un petit moteur nucléaire pour le coup. Qui a un petit moteur nucléaire. Voilà. Donc lui en fait, il fonctionne à 100%. Il a pas besoin d'énergie solaire. Donc la tempête, ça impacte en rien la science de Curiosity aujourd'hui, actuellement à la surface de Mars. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on peut étudier la tempête de l'intérieur. Donc on voit par exemple que les températures, les écarts de température entre le jour et la nuit sont extrêmement réduites. Et donc on mesure nos températures sur nos petits capteurs sur Curiosity et on voit cet écart de température qui a été réduit d'un coup au moment où la tempête s'est emballée et qui est en train en fait de retrouver l'écart de température normal de la planète Mars. Et on peut grâce à ça par exemple évaluer le temps qui reste de la tempête en extrapolant nos courbes pour retrouver les conditions d'avant la tempête. Donc par exemple là on sait qu'il va rester à peu près 15 jours de tempête pour retrouver cet écart de température. François Roger. Oui, on peut même ajouter que Opportunity, qui est de l'autre côté de la planète par rapport à Curiosity, en fait, était du mauvais côté. C'est-à-dire qu'il sait, non seulement il y a une tempête globale et il a besoin de pas trop de poussière pour avoir de l'énergie solaire, mais en plus, il était au cœur de la tempête initiale, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, et il s'est mis à faire nuit, en pleine journée, du jour au lendemain, au niveau d'Opportunity. Donc, le rover a carrément s'est arrêté net, s'est mis en veille et on n'a pas de nouvelles depuis. Hein. Donc, on ne sait pas encore si on va réussir à le redémarrer dans d'ici quelques semaines. Progressivement, là, la tempête s'éclaircit, mais ça fait 3 mois que ça dure et c'est pas encore fini. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons de la riche actualité martienne de cet été en compagnie de Caroline Frayssinet et de François Forget. Alors on va commencer un peu, pas tout à fait arbitrairement, parce que l'un ne va pas tout à fait sans l'autre. On va commencer en tout cas par cette annonce qui a fait grand bruit fin juillet dans la revue Science. Un article détaille la découverte d'un lac d'eau liquide enfoui à 1,5 km sous la surface de la planète rouge, près du pôle sud. Un lac qui ferait une vingtaine de kilomètres de long. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu déjà ce qu'il y a dans cette publication? Quelle est la nature de cette étude, Caroline Frayssinet? Oui, donc alors en fait, il y a un paramètre relativement important par rapport à cela, c'est que quand on parle de cette découverte, on parle de Mars moderne. Et Mars moderne qui est très différente en fait de Mars ancienne qu'on étudie, par exemple, avec Curiosity quand on étudie le cratère Gale. Et donc, cette découverte du lac, d'eau liquide salée, en fait, d'un fluide un peu plus visqueux que la glace dans laquelle il se trouve piégé. Donc, on peut pas vraiment en déterminer la composition, ni le type de sel, ni la quantité de sel, la salinité de ce lac, etc. Il faut casser l'image d'un lac souterrain tel qu'on pourrait l'avoir dans des grottes sous terre. Oui. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pas ça. On sait pas en fait. C'est-à-dire que ce à quoi ça ressemble, c'est peut-être les lacs qu'on trouve au pied de la cape polaire antarctique. Oui, là, on a trouvé des lacs quand même assez fascinants avec une certaine vie bactérienne, mais quand même une vie active. On n'en sait rien. Alors là, en l'occurrence, ce que l'on sait quand même, c'est quand on fait des petits calculs, sauf une surprise incroyable au niveau de, vous allez comprendre, de la chaleur géothermique locale, mais si, d'après ce qu'on comprend, ce lac qui devrait être autour de moins, à des températures extrêmement faibles, autour de moins 110 degrés. Et à moins 110 degrés, pour que de l'eau soit liquide, en tout cas quelque chose soit liquide et puisse réfléchir le signal radar, hein, c'est bien de ça dont on parle, c'est par le signal radar qui réfléchit de manière très forte, comme le font par exemple les lacs sous la glace en Antarctique, qu'on a le sentiment qu'il y a de l'eau liquide là. Mais alors à moins 100 degrés, on est sûr que... C'est pour ça qu'on dit qu'il est salé, on n'a pas à analyser, personne n'a creusé pour aller voir, mais à cette température-là, il faut qu'il soit salé, un peu comme quand on sale les routes pour pas qu'il y ait de la glace qui se forme. Alors là, c'est à moins 110 degrés. Donc on envisage même plutôt des sels un peu exotiques qu'on trouve sur Mars, qu'on appelle des sels de perchlorate. Alors ça a une conséquence, ça, c'est que d'après ce que j'ai entendu parler, je pose presque la question à Caroline, c'est que les bactéries terrestres que l'on connaît qui vivent dans n'importe quelle condition, y compris dans de l'eau extrêmement salée, on a du mal à les faire vivre dans une eau saturée en perchlorate. C'est un peu savant, mais peut-être c'est pas... Déjà, effectivement, cette question... Alors, peut-être avant même d'arriver à cette question des bactéries, parce qu'on va y venir, j'aimerais tout de même qu'on précise un peu, parce qu'effectivement, là, on a parlé des deux rovers, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Comment est-ce qu'on est arrivé, par quels moyens, grâce à quels outils, on a réussi à trouver, à détecter cette eau liquide qui... Caroline Frayssinet ou François Forget, comme vous voulez. Je vais en parler parce que c'est quand même une belle découverte obtenue par une sonde européenne sur laquelle j'ai travaillé toute ma vie, qui s'appelle Mars Express, et qui, il faut imaginer, donc emporte parmi ses instruments, il y a des caméras, des spectromètres, tout ça, puis il y a un radar avec deux antennes de 20 mètres de long de chaque côté, c'est quand même un sacré engin, et qui envoie des ondes radar vers la surface et récupère la réflexion. Alors ces ondes pénètrent dans le sous-sol, et puis généralement, elles sont réfléchies lorsqu'il y a une interface, par exemple en bas des calottes polaires de glace, quand on arrive au socle rocheux, il y a une petite réflexion. Et ça fait des années qu'elles sont là, et ça fait des années qu'avec ce radar, on a pour objectif de enfin peut-être essayer de découvrir une fameuse nappe d'eau liquide, ce que tout le monde spécule, imagine qu'il pourrait y avoir dans le sous-sol de Mars. Et les années passent, et moi j'y croyais plus qu'il y ait des nappes détectables en profondeur dans le sous-sol de Mars, ce dont on rêvait tous pour imaginer qu'il puisse y avoir des bactéries. Et puis là, en raffinant les mesures, parce que c'est une mesure difficile, mes collègues ont réussi à accumuler les observations, faire des observations dédiées, soigneusement choisies, etc., dans un endroit très plat, pour démontrer que sous à peu près 1,5 km de glace, on est au niveau de la calotte polaire sud, donc vous imaginez, vous avez un dôme de glace, ça fait 1500 mètres d'épaisseur, et là en dessous, une réflexion vive, et qui, d'après nos connaissances, notre expérience théorique avec les radars, mais aussi notre expérience pratique de ce qu'on a pu faire sur Terre, par exemple en Antarctique encore une fois, on a vraiment le sentiment qu'on a une nappe d'eau liquide. Alors quelle épaisseur? D'après la physique, c'est au moins quelques dizaines de centimètres, peut-être plus, c'est très dur à montrer. Alors, pardon, c'est des dizaines de mètres. Donc, il faut au moins quelques dizaines de centimètres. Et quelle taille? C'est vrai que les scientifiques sont restés prudents. Ils ont dit quelques kilomètres. Parce que c'est une vingtaine de kilomètres. Vingtaine de kilomètres. Ça, c'est le, un peu le, la, je dirais l'empreinte, quoi, du signal radar. Mais en fait, ils ont très, très peu exploré avec cette nouvelle méthode. Et il n'est pas impossible qu'en fait, il y ait toute une partie de la calotte avec, à sa base, une nappe d'eau liquide. Donc, ça reste un peu prudent de dire quelques kilomètres. C'est déjà pas mal. Mais ça tombe, il y a toute une partie qui est avec cette eau liquide. Après, je dois avouer que s'il y a des gens qui écoutent souvent la méthode scientifique, qui suivent un petit peu l'actualité de Mars, il faut reconnaître qu'on annonce la découverte d'eau sur Mars tous les 6 mois. Mais c'est ça. Eh ben oui, ben là, c'est encore une nouvelle découverte magnifique qui est, je crois, une des meilleures preuves qu'on ait eues encore. Alors, c'est ce que j'allais dire, du coup, Caroline Frayssinet, parce que là, maintenant, il y a effectivement cette nappe d'eau liquide ou de sel liquide à très forte concentration. Il y a eu quelques années les fameux RSL, les Recurring Slope Linear, dont on disait qu'il y avait des écoulements. On va vous retrouver des photos qu'on va mettre sur notre fil Twitter, des écoulements liquides. Oui. On disait là aussi, il y a des saumures qui transpirent et finalement, il s'est avéré que c'était vraisemblablement pas le cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette nouvelle annonce? Alors, pour revenir au RSL, en fait, bah, l'hypothèse des saumures, elle est quand même pas complètement rejetée, même s'il y a d'autres moyens pour expliquer la formation uniquement avec des solides et des sublimations. Donc, passer directement, vu que la pression de Mars est relativement faible, on va passer directement d'un état liquide d'un état solide à un état gazeux sans passer par l'état liquide. Et donc, on va créer, en fait, des sortes de pressions qui vont pouvoir pousser des poussières à la surface de Mars et créer, en fait, ces écoulements de manière complètement solide sans faire intervenir d'eau liquide ou de saumure. Mais ça reste une hypothèse, on n'a pas vraiment la définition encore de ces RSL, de comment ils ont pu se former. Oui, allez-y. Non, après, qu'est-ce que ça veut dire au niveau du lac sous-glaciaire martien? Donc, contrairement au lac sous-glaciaire en Antarctique, dont parlait François, donc par exemple, on a ce lac Vostok, qui est particulièrement connu et étudié en Antarctique. Donc, sur Terre, on peut aller creuser, on peut faire des études. Alors, on peut pas creuser jusqu'au lac, parce que d'une part, on veut pas le contaminer. D'autre part, la pression est relativement forte. Donc, c'est-à-dire, si on va percer la couche de glace, on va créer un geyser, on va vider le lac instantanément. Donc on veut pas creuser jusqu'au liquide pour analyser ce qu'il y a dedans, on creuse la couche de glace qui est au-dessus pour faire des analyses. Sur Mars, c'est hors de question. On est trop loin, on est à 1,5 km de profondeur, on n'a pas la technologie pour creuser à cette profondeur sur Mars. On n'a pas de missions qui sont prévues pour aller au pôle pour ce genre d'études. Donc à court terme, en tout cas, ce lac, c'est d'une importance géologique extrême, mais qui n'a pas d'utilité dans un futur proche par rapport à l'exploration robotisée ou même humaine de la planète Mars. Alors François Forget le disait, ça fait des années qu'on cherche de l'eau liquide souterraine sur Mars. On sait aujourd'hui qu'il y a eu de l'eau à la surface de Mars. Cette eau, elle est passée où, Caroline Frayssinet? Ah, grande question. Où est-elle passée, cette eau liquide? Donc effectivement, on avait des océans sur Mars, des mers, la François, calotte François, polaire François nord. François Forget, je l'écris parce que vous en entendez pas, François Forget a l'air de douter un peu de la tête sur le mot océan. En tout cas, de l'eau liquide, certain. De l'eau liquide à très grande échelle. On avait des cratères remplis d'eau liquide, d'eau douce. Et on avait une atmosphère à cette époque sur Mars. Depuis, donc, l'atmosphère... Cette époque, c'est 3 milliards et demi. Hein. Cette époque, c'est 3 milliards et demi d'années, 4 milliards d'années. Et donc, ensuite, le soleil, il a ce qu'on appelle un vent solaire. En fait, il va souffler sur la Terre, il va souffler sur Mars. Et en fait, en soufflant, il va permettre d'emporter les molécules d'eau qui vont s'évaporer de la surface de Mars et qui vont donc partir et créer une atmosphère beaucoup, beaucoup plus ténue. François a peut-être une meilleure explication. Non, mais à la question qu'est devenue l'eau, il faut dire qu'il en reste beaucoup de l'eau sur Mars, oui. Sous forme de glace, oui, un peu de vapeur d'eau. Et c'est vrai que toute une partie de la planète Mars est recouverte de glace, il y a des anciens glaciers, les grosses calottes polaires qui sont accumulées sur des milliers de mètres d'épaisseur au-dessus de chaque pôle, sur des milliers de kilomètres de large, hein. C'est des grandes quantités d'eau. Et Caroline a raison, la vraie question, c'est qu'est-ce qui est arrivé finalement à l'atmosphère beaucoup plus épaisse qui a était nécessaire pour permettre au fait qu'il y ait des lacs et des rivières et peut-être des mers et un océan sur Mars il y a 4 milliards d'années. Donc c'est le vrai mystère, c'est ça. Qu'est-ce qui arrivait à l'atmosphère? Disons, qu'est-ce qui arrivait, pour faire simple, plutôt au CO2? Qu'est-ce qui arrivait? Parce qu'on s'attend plutôt à, surtout sur une planète tellurique comme la Terre ou Vénus, qu'on démarre avec pas mal de dioxyde de carbone. Et là, on mène l'enquête, en fait. Par exemple, c'est vraiment l'objet de la mission de la NASA qui s'appelle MAVEN, qui est actuellement en orbite autour de Mars, et qui étudie ça, et c'est pas clair, en fait. On se pose la question de savoir si ce dioxyde de carbone, par exemple, est-ce qu'il s'est vraiment échappé dans l'espace? Par quel processus? C'est des processus compliqués. Le dioxyde de carbone s'échappe pas comme ça. Sur la Lune, par exemple, l'atmosphère s'échappe tout de suite parce que la gravité est faible. Sur la Terre, rien ne s'échappe. Mais Mars, c'est un peu intermédiaire, mais malgré tout, c'est pas facile de perdre de l'atmosphère. On comprend pas bien comment on a pu perdre peut-être l'équivalent d'une atmosphère en dioxyde de carbone. D'autant plus qu'il existe des hypothèses alternatives, par exemple. On pourrait imaginer que dioxyde de carbone, en fait, quand il y avait des lacs, ce soit un peu dissous dans l'eau liquide. Mmh. Et sur Terre, quand on dissout du CO2 dans l'eau liquide, bah, au bout d'un moment, ça fait des roches carbonates, c'est-à-dire des roches calcaires. Donc, si on met toute cette atmosphère sous forme de roches, genre falaise d'Étretat, vous voyez le genre, on peut perdre toute une atmosphère comme ça. Sur Terre, le CO2 reste pas coincé, le falaise d'Étretat, dans quelques millions d'années, elles vont être recyclées par le volcanisme, la tectonique de plaques. Sur Mars, c'est plus petit, il y a moins d'activité, donc peut-être c'est resté toqué. Alors, on a eu longtemps cette hypothèse-là, mais quand on cherche les carbonates, donc les roches calcaires, on n'en trouve pas beaucoup. Donc, on a du mal à faire échapper l'atmosphère, on a du mal à trouver les roches calcaires. Donc, il y a encore une autre énigme. Il y a beaucoup d'énigmes sur Mars. Autant on n'arrive pas à déterminer les raisons pour lesquelles il y a eu cet échappement d'atmosphère, cette perte d'eau, même si on en a encore beaucoup, même dans les sols de Mars. Le sol est rempli à plusieurs pourcents d'eau. Sous forme de pergélisol, sous forme de permafrost. Voilà, ou même sous forme d'argile, des roches hydratées, en fait. Mmh. Et on peut extraire de l'eau, quand on fait des analyses, qu'on chauffe les sols, on extrait énormément d'eau de ces sols, jusqu'à plusieurs pourcents en masse. Et même si on ne sait pas expliquer cette perte, on sait la quantifier, par contre. Parce que chaque atome va exister sous ce qu'on appelle des formes isotopiques différentes. Donc les isotopes, c'est que chaque atome va exister sous une forme légère et une forme lourde. On connaît par exemple l'eau et l'eau lourde. Le deutérium. Voilà. Donc dans l'eau lourde, en fait, on a un hydrogène qui est remplacé par un deutérium. Donc au lieu d'être H2O, on va être HDO. Et l'eau lourde, elle va rester beaucoup plus facilement à la surface de Mars par rapport à l'eau légère. Et donc, on va avoir ce qu'on appelle cette fractionnation isotopique, où on va en fait avoir plus d'éléments lourds que d'éléments légers. Et on va pouvoir quantifier aux différentes époques de Mars, ce qu'on retrouve sur les météorites par exemple, ou par les missions qu'on envoie à la surface de Mars. On va pouvoir voir quel pourcentage d'atomes lourds par rapport aux atomes légers on a. Et on peut de cette façon remonter à la quantification de l'échappement, alors du carbone, de l'eau, donc du CO2, etc. Et alors, pour revenir, pour dire un dernier mot de ce lac souterrain, ou en tout cas de sa composition, pour reprendre la question que vous posez, François Forget, tout à l'heure, évidemment, si on cherche l'eau sur Mars, c'est parce qu'on est à la recherche des conditions initiales qui ont été propices à l'apparition de la vie sur Terre, en imaginant qu'elle puisse l'être sur Mars, mais dans ces eaux très concentrées en sels minéraux, ça reste très difficile, y compris pour des organismes vivants extrémophiles. Karine Frayssinet ? Oui, alors... On ne sait pas. D'accord. Est-ce qu'une bactérie pourrait évoluer de manière à vivre dans des saumures d'eau avec des perchlorates? Bon, si on met une bactérie terrestre dans ces conditions, évidemment, elle ne va pas survivre. Il faut des années, des millions d'années d'évolution pour que la bactérie puisse se développer à vivre dans ces conditions. Mais par contre, on connaît, même sur Terre, des bactéries qui vont utiliser l'énergie des perchlorates en tant que source d'énergie. Donc, on a les plantes vont utiliser le soleil en tant que source d'énergie. Et ben, les bactéries vont pouvoir utiliser les roches et les sels en tant que source d'énergie. Et on connaît des bactéries qui utilisent les perchlorates en tant que source d'énergie. Donc, c'est pas incompatible avec la vie. On peut très certainement imaginer, en fait, d'avoir des formes de vie qui pourraient évoluer en utilisant les perchlorates comme énergie, l'eau comme solvant pour pouvoir mettre en contact les différentes molécules, pour pouvoir assembler les briques d'une certaine forme de chimie. Donc, c'est pas du tout impossible à imaginer. François Forget ? Vous avez la réponse à votre question tout à l'heure. Oui, mais c'est... Et puis, il faut ajouter que, pour être un peu dans le... Alors, est-ce qu'on faut, j'appelle être optimiste l'idée qu'on pourrait trouver des formes de vie encore actives. Eh bien, sur Terre, par contre, on trouve des bactéries incroyablement résistantes qui peuvent vivre dans des saumures salées, mais avec le sel de table, la chlorure de sodium, etc., avec des concentrations incroyables. Donc, peut-être que, effectivement, même si les bactéries terrestres ont du mal à vivre avec ces fameux perchlorates, tout est possible et ça va quand même être fascinant de mener l'enquête quand même. Alors, pas tout de suite, effectivement, c'est très difficile de faire un forage profond. Mais à l'avenir, il y a une belle enquête à mener quand même. C'est beau ça. Oui. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de se rendre compte que la vie, si elle est apparue il y a 3,5 milliards d'années, une fois qu'elle est apparue, elle est impossible, c'est impossible à s'en débarrasser. La vie, c'est comme une épidémie, c'est à partir du moment où on la garde. Donc de savoir qu'aujourd'hui encore, on a des poches d'eau souterraine, donc des poches potentiellement plus chaudes avec des conditions différentes de la surface de Mars, c'est plutôt optimiste pour si on a des formes de vie qui ont pu résister jusqu'à aujourd'hui. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair and her mother is yelling no and her father has told her to go. There's nowhere to be seen as she walks to her sunken dream, to her seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. The film is a saddening bore, 'cause she's lived it 10 times or more, and it's about to be lived again as they ask her to focus on. Best-selling show. Quelle originalité, dites-moi, Life on Mars de David Bowie, quand on parle de Mars. Eh bien, figurez-vous que nous ne l'avions jamais fait. Et en grand fan de David Bowie, on vous a proposé cette version qui est issue du live au Boston Music Hall en 1972. Nous parlons donc, puisqu'on a parlé de l'eau, on va parler de la vie sur Mars, c'est la question centrale. Nous en parlons avec Caroline Fraissinet, qui est chercheuse CNRS en astrochimie au LATMOS, le laboratoire atmosphère milieu observation spatiale à Guyancourt, et François Forget, planétologue, directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l'Institut Pierre-Simon Laplace. Alors, voilà donc cette question, is there life on Mars, y a-t-il de la vie sur Mars? C'est l'autre publication importante de cet été 2018. C'est une étude qui n'était pas publiée dans Science le 8 juin. L'un des instruments de Curiosity aurait détecté des molécules organiques Alors, des molécules organiques, c'est un peu comme l'eau sur Mars. On a la troisième saison de la méthode scientifique. On a l'impression qu'on l'a annoncé et annoncé encore et annoncé encore. Caroline Fraissinet, qu'est-ce qu'il faut en croire cette fois-ci? Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est une nouvelle fois? Quelles sont ces molécules organiques? Racontez-nous un peu ce qu'il y a dans cette étude de Science. Alors en fait, il n'y a pas eu autant d'annonces de molécules organiques qu'il y a eu d'annonces d'eau sur Mars, puisque c'est seulement la deuxième. La première ont été issues de travail par Caroline, je dois le dire. Et donc la première justement de ces annonces, c'était en 2015, où on avait découvert, donc pour la première fois, parce qu'on les cherche depuis 1976 et l'émission Viking, on avait été étonné de pas en trouver avec les instruments des missions Viking. Et donc en 2015, on a trouvé ces molécules organiques dans le cratère Gale. Donc là, contrairement au lac sous-glacier dont on discutait juste avant, là on parle en fait de Mars ancienne, c'est-à-dire de Mars il y a presque 4 milliards d'années. On est dans un cratère, tout ce qu'on analyse en fait, ce sont des roches qui datent de cette époque de Mars. Il n'y a pas eu de tectonique sur Mars qui a renouvelé les roches. Donc là, on est vraiment très conservé et on regarde les molécules qui sont dans ces roches d'il y a 4 milliards d'années, qui ont été déposées il y a 4 milliards d'années. Donc en 2015, on a trouvé des molécules relativement complexes d'un point de vue martien, qui ont jusqu'à 6 carbones. Et ces molécules contenaient toutes également du chlore. Donc c'était la molécule principale, on appelle le chlorobenzène, donc c'est un benzène, un noyau à 6 carbones qui était agrémenté d'un atome de chlore. Et ce qu'on pense, c'est que cette molécule a été formée dans les fours de notre instrument. Et à partir de carbone martien et à partir de chlore martien, puisqu'on a parlé des perchlorates qui sont présents, omniprésents sur Mars et qui contiennent du chlore, quand on chauffe ces perchlorates, on relargue du chlore qui va pouvoir s'intégrer sur toutes les autres molécules présentes. Donc c'était la première découverte 2015, première découverte de molécules organiques indigènes vraiment à Mars, à l'échantillon qu'on a analysé, même si on peut pas déterminer l'origine de ces molécules. Est-ce que ce sont des molécules qui viennent de l'espace par les météorites? On sait que les météorites sont remplies de molécules organiques, toutes celles qu'on reçoit sur Terre, donc celles qui tombent sur Mars contiennent également des molécules organiques. On s'attend à trouver des molécules organiques sur Mars de cette façon. L'origine biologique ne peut pas être exclue, même si elle n'est pas du tout privilégiée. Cet article Science, 8 juin, dont vous parlez. Donc on a trouvé d'autres types de molécules, donc pas plus complexes, toujours avec du carbone, et également avec du soufre cette fois, et qui ne contenait pas de chlore. Donc en fait, on est sur différents types de chimie qui s'opèrent, et on est à des analyses de roches à plus haute température. Pour analyser les molécules, donc l'instrument sur Curiosity s'appelle SAM, c'est Sample Analysis at Mars, et l'instrument SAM va chauffer un échantillon solide jusqu'à 900 degrés. Donc de la même façon que quand vous avez une soupe que vous sortez de votre frigo, vous sentez rien, elle sent rien, elle est froide. Vous la mettez au micro-ondes, toute la cuisine est embaumée en fait par l'odeur de la soupe parce qu'on la chauffe. Et qu'en chauffant un échantillon, on va relarguer les molécules volatiles. Donc là, on fait exactement la même chose avec un échantillon solide sur Mars. On le prend, on sent rien, on le chauffe jusqu'à 900 degrés. Et là, en fait, on a des instruments qui vont analyser toutes les molécules volatiles qui sont relarguées de cet échantillon. Et on peut analyser les portions à basse température, à haute température. On peut faire vraiment des mix incroyables. Et en faisant des analyses à haute température, donc la portion qui est relarguée entre 600 et 900 degrés, on a découvert ces molécules qui contiennent du soufre. Donc chimiquement, ça veut dire qu'on a des molécules organiques sur Mars qui proviennent probablement de molécules plus complexes mais qu'on casse en petits bouts en les chauffant. Et donc on a une différence chimique entre les molécules chlorées de 2015 et les molécules soufrées de 2018. Cependant, on est en molécules organiques, ça veut dire qu'on a des briques du vivant qui sont disponibles il y a 3,5 milliards d'années, à l'époque où la vie est apparue sur Terre, donc c'est plutôt bon signe. On était habitable à cette époque sur Mars. François Forger. Alors moi, ce qui m'avait vraiment plu dans cette découverte par Caroline et son équipe, c'était que on découvrait enfin dans ces sédiments très anciens, quand même des milliards d'années, c'est un âge inimaginable, eh bien on trouvait enfin des molécules organiques, ce qui suggère que cette idée qu'on a évoquée au début de mener l'enquête en recherchant des molécules fossiles, des anciennes traces de vie, si on avait les bons instruments, eh bien oui, il est possible que des molécules donc organiques, les briques de la vie ou le reste de la vie, donc les fossiles, aient pu être préservées malgré cette distance dans le temps énorme. Et alors, c'est intéressant parce qu'on n'est pas sûr de ça. On sait que par ailleurs, par exemple, l'atmosphère de Mars est un petit peu stérilisante. Ça crée des, vous savez, par exemple, de peroxyde d'hydrogène. C'est l'eau oxygénée. Mmh. Tout le monde sait que l'eau oxygénée, ça casse. Ça blanchit. Puis ça stérilise, quoi. Ça tue les bactéries, etc. Donc, on avait une petite crainte que même dans le sous-sol, après tout ce temps, il n'y ait plus rien qui reste. Il reste plus que tout a été complètement cassé en morceaux, irreconnaissable. Là, à quelques centimètres de profondeur seulement, on trouve ça. Et ça rend optimiste. Par exemple, en 2020, l'Agence spatiale européenne va envoyer un rover, un peu plus petit que Curiosity, mais équipé avec des instruments pas mal, et en particulier avec une capacité d'aller faire un forage à 1 mètre voire 2 mètres de profondeur, ramasser des échantillons qui auront peut-être été moins exposés au rayonnement et puis à ma fameuse eau oxygénée qui traîne dans l'atmosphère. Et là, peut-être qu'on va trouver des jolies molécules. Et donc ça rend optimiste. Et ça, moi, j'étais vraiment content parce que ça faisait quand même pas mal d'années qu'on avait du mal à trouver. Donc là, ça y est, on sait pas ce que c'est que ces molécules organiques, mais on sait qu'elles datent de plusieurs milliards d'années, elles ont été préservées. Donc ça y est, ça veut dire qu'on peut, si on s'y prend bien, mener l'enquête sur des molécules fossiles. Par ailleurs, ça a relancé cette petite polémique selon laquelle finalement peut-être que Viking déjà avait trouvé des molécules organiques, mais les avait détruites sans vraiment pouvoir s'en rendre compte ou apporter des résultats probants. Caroline Frissinet. Alors Viking 1976, c'était deux sondes donc qu'on appelle des atterrisseurs parce qu'ils pouvaient pas se déplacer. Toutes les deux sont atterrées à des endroits différents à la surface de Mars. Viking, en fait, c'était une mission pour rechercher la vie sur Mars. Directement. C'était pas une mission chimique ou d'habitabilité. On recherchait directement des traces de vie. Il y avait 3 expériences qui étaient dédiées à la recherche de vie sur Mars. Et il y avait également une expérience un peu à côté qui recherchait des molécules organiques. Et les résultats de ces molécules ont été positive, parce qu'on a trouvé des molécules qui étaient les mêmes que le solvant qu'on avait utilisé pour nettoyer l'instrument avant de partir. Négatif. Donc, malheureusement, ce solvant qu'on a utilisé, c'était du dichlorométhane, qui contient donc du chlore. Et en fait, c'est les mêmes molécules qu'on formerait sur Mars en présence de perchlorate et de molécules organiques. C'est vraiment pas de chance, mais c'est comme ça. Après, il faut savoir que quand on est dans des missions et qu'on a des résultats qui nous arrivent, les résultats sont extrêmement complexes. On peut pas se contenter de regarder le spectre et de se demander il y a quoi là-dedans. On fait une analyse pour regarder à quoi correspond ce pic, etc. Ça marche pas comme ça. C'est tellement complexe qu'on est obligé de chercher quelque chose en particulier pour réussir à le trouver. Et en l'occurrence, donc quand on a trouvé en 2015 avec Curiosity le chlorobenzène, donc cette molécule organique chlorée dans notre analyse chimique, on s'est dit pourquoi pas rechercher le chlorobenzène en particulier dans les spectres vikings de 1976. Et bingo, on l'a trouvé. On a trouvé le chlorobenzène sur Viking en 1976. C'est un papier qui a été publié très récemment par ma doctorante. Alors maintenant, il faut savoir si ça viendrait de contamination ou de Mars. Donc ça, c'est une autre étude qui va se faire dans les semaines et mois qui viennent. C'est ça. Justement, un mot tout de même, parce que c'est intéressant, à propos de cette question liée à la contamination, c'est quelque chose auquel on est de plus en plus sensible et qu'on n'a pas vraiment, jusqu'à présent, avec lequel on n'a pas été très très très très rigoureux ou très attentif, et ça a remis un peu en question cette problématique liée à la contamination martienne via des molécules et éventuellement même des organites terriens. Alors, on a 2 types de contamination à laquelle on peut penser. On a une contamination bactérienne et une contamination chimique. La contamination bactérienne, celle-là, c'est assez stringent. Si on sait qu'on va pas envoyer de bactéries, on a des procédés de stérilisation, on a un protocole qui a été des règles établies par le COSPAR, donc le Committee on Space Research, qui a été ratifié par tous les pays qui participent à la conquête spatiale, pour dire on veut pas contaminer une planète avec des formes de vie terrestre. Par contre, la contamination chimique, là, c'est différent. Par exemple, sur Curiosity et sur les prochaines missions, on envoie spécifiquement des réactifs chimiques pour faire des réactions sur certains types de molécules pour pouvoir les détecter, sachant que sans ces réactifs chimiques, on ne pourra pas les détecter. Donc, on envoie sciemment de la contamination organique. Mais on sait la différencier de ce qu'on peut trouver sur Mars. L'heure tourne et ça n'est pas. Et Mars, on a parlé du passé de cette année ou de ce qui a déjà été publié, mais Mars va être encore à l'honneur tout au long de l'année, puisque le 26 novembre prochain, la mission franco-américaine commune du CNES et de la NASA InSight va arriver sur Mars, avec pour ambition cette fois de mesurer sa sismologie et notamment la nature du noyau de la planète. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu dans le laboratoire qui a conçu l'instrument principal de cette mission. Oui, et cette mission InSight, on le rappelle, c'est pas une mission uniquement de sismologie, c'est une mission de géophysique au sens un peu plus global du programme Discovery de la NASA, et elle va transporter des outils de mesure géologique ayant servi eux-mêmes à mieux comprendre la structure interne de la Terre. Philippe Lognonnet est chercheur au sein de l'équipe Planétologie et Sciences Spatiales de l'IPGP, l'Institut de Physique du Globe de Paris. Avec son équipe, ils ont développé le sismomètre CEIS qui sera déposé à la surface de Mars pour mesurer son activité sismique. Il m'explique les contraintes qui ont dû être surmontées pour mettre au point ce sismomètre et ce qu'on attend des toutes premières mesures sismiques de Mars qui pourront être réalisées à partir de novembre prochain, au moment où l'atterrisseur InSight se posera à la surface de la planète rouge. La mission InSight a été lancée au début du mois de mai. Elle va arriver sur Mars le 26 novembre de cette année. Et à ce moment, on est à 22 millions de kilomètres de Mars. Pour des géophysiciens comme moi et pour toute la communauté de géophysique, c'est une mission très importante parce que c'est la première fois qu'on va déployer à la surface de Mars la totalité des instruments de géophysique qui ont permis de comprendre la structure interne de la Terre. Et aussi, évidemment, son activité sismique, le champ magnétique de la Terre, etc. Donc on va déployer avec cette mission un capteur sismique, l'instrument dont je suis responsable et qui a été livré aussi avec la maîtrise d'œuvre du CNES et des partenaires étrangers. On va aussi déployer une mesure de flux de chaleur qui va nous permettre de voir quelle est la quantité de chaleur qui sort de la planète. On va déployer un capteur magnétique qui va nous mesurer le champ magnétique. On a un capteur de géodésie, une sorte de GPS, même si ça ne fonctionne pas tout à fait comme le GPS, qui va mesurer la rotation fine. Et ça va vraiment nous permettre de voir l'intérieur de Mars, de voir les mouvements actuels de Mars, de voir si Mars est actif sismiquement, etc. Donc c'est vraiment une mission qui va révolutionner notre vision de Mars et de son intérieur. Vous avez sur cette table à la fois une maquette de l'atterrisseur. Donc c'est un atterrisseur qui va rester là où il se pose. Pourquoi ? Parce que l'objectif de ces instruments, c'est justement de voir le déplacement du sol. Donc l'instrument va être déployé sur le sol avec un bras robotique. Ça semble rien, mais ça va être la première fois que la NASA va déployer d'une manière robotique des instruments à la surface d'une planète. Et ensuite, après le déploiement de ce capteur au niveau du sol, le sol est un petit peu pas très dur, donc il y a quand même du vent. Donc on va protéger le capteur avec une sorte de grosse cloche à fromage, qui est une protection éolienne. Donc le bras robotique va revenir chercher la cloche à fromage, voilà, la en protection. En ce moment, vous faites la démonstration avec la maquette, justement. Vous faites la démonstration et ensuite, donc le bras robotique va se rapprocher et va poser délicatement au-dessus du capteur cette protection éolienne. Et après ça, le lander ne fait que fournir de la puissance et va essayer de bouger le moins possible. Alors évidemment, on a un bras robotique, on a même une pelle dans ce bras robotique. Donc on a des collègues géologues qui vont vouloir utiliser cette pelle pour étudier un petit peu le sol. Donc ça va peut-être faire un petit peu des signaux pour notre capteur sismique qui est extrêmement sensible parce qu'il est capable de détecter le déplacement du sol avec un déplacement de l'ordre de la taille d'un atome. Donc c'est vraiment un capteur extrêmement sensible. Le fait d'avoir pu réaliser un instrument comme cela, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. En fait, pour notre équipe, ça a été une activité qui a commencé au début des années 90. Et donc ce que vous avez également sur la table, c'est trois générations qui illustrent un petit peu ce développement. Évidemment, tout cet effort, depuis les années 90, il a été fait parce que le CNES, l'Agence spatiale française, nous a financé dans des études de recherche et technologie, dans nos projets, et évidemment dans le projet InSight, a pris la maîtrise d'œuvre d'InSight par la suite, et aussi grâce au CNRS, qui a fourni des équipes d'ingénieurs, de chercheurs, en plus évidemment des équipes de l'IPG et de l'Université Paris Diderot. Aujourd'hui, on le rappelle, il n'y a pas de données sismiques pour la planète Mars. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir avec ce sismomètre et quelles spécificités techniques vous avez dû développer pour justement avoir une espèce de vision aussi précise que possible de l'activité sismique de Mars? On va d'abord détecter le premier séisme. Ça paraît bête, mais on n'en a jamais détecté. Ensuite, chacun de ces séismes se comporte un petit peu comme un flash lumineux. Donc il faut imaginer qu'on est dans la nuit noire. Et puis à chaque fois que vous avez un séisme, vous avez un flash lumineux qui vous éclaire la salle où vous êtes. Alors la première fois, votre œil regarde dans une direction, la deuxième fois dans une autre direction, et puis peut-être à partir de 10, 20 ou 30 coups de flash, eh ben vous avez une sorte de vision de la salle où vous êtes. C'est un petit peu la même chose qu'on va faire, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura un séisme, on aura de l'information dans la direction d'où viennent les ondes sismiques. Avec cela, on va donc progressivement avoir de l'information à des profondeurs de plus en plus grandes, parce qu'en gros, plus le séisme va être loin, plus les ondes vont aller profondément. Et puis, on va avoir des informations dans différentes directions. Par exemple, on sait que l'hémisphère nord de Mars n'est pas le même que l'hémisphère sud. C'est ce qu'on appelle la dichotomie nord-sud. Et donc, si on a des séismes qui viennent du sud, ils vont pas avoir la même signature que des séismes qui viennent du nord. Alors, combien de coups de flash on espère avoir? Peut-être une cinquantaine au cours de la mission. Et de temps en temps, on risque aussi d'avoir des impacts de météorites. Et ça va être intéressant parce que les impacts de météorites vont marquer la surface. Et en marquant la surface, on pourra utiliser des satellites qui sont en orbite autour de Mars pour voir là où la surface a changé à cause de cet impact. Et ça nous donnera ainsi, d'une manière très précise, la position de la source sismique. Et donc toutes les analyses de vitesse que l'on fera sont beaucoup plus précises. Alors on prend rendez-vous avec votre sismomètre et avec la mission InSight pour... Voilà, donc on va prendre rendez-vous d'abord fin novembre pour l'atterrissage, et puis tout au long de décembre, on va déployer les instruments, et à partir du mois de février, on va commencer à transmettre les données, d'abord aux équipes scientifiques qui ont travaillé depuis 5-6 ans, voire plus sur cet instrument, mais dès le 1er avril, on va diffuser toutes les données qui auront été acquises en décembre de cette année, et le 1er juillet, toutes les données qui auront été diffusées lors du premier trimestre de l'année. Et c'est important pour tout le monde, pour le public, pour les scientifiques, mais aussi pour des collégiens, parce que ces données vont être non seulement distribuées aux scientifiques, mais elles seront aussi distribuées à tout un réseau de collèges et de lycées, où des enseignants vont pouvoir montrer à des collégiens, des lycéens, comment on est capable de faire de la science avec des données sismologiques qui viendront juste d'être enregistrées sur Mars, donc à plusieurs dizaines de millions de kilomètres de leur collège. Voilà, en cette semaine de rentrée, vous venez d'apprendre que vos chères têtes blondes vont pouvoir travailler dès le printemps prochain sur les données recueillies par cette mission InSight. C'est votre réaction à ce reportage, Caroline Frécinet ou François Forget, comme vous voulez. François Forget. Ah bah moi, j'ai la chance de faire partie de l'équipe InSight à l'invitation de Philippe Lenonnier avec mes collègues. Et c'est une très belle aventure pour ce qui nous concerne. Cette station géophysique va aussi servir de station météorologie. Alors les sismologues, les géophysiciens, eux, ils considèrent que l'atmosphère, vous avez entendu, c'est du bruit, c'est plutôt quelque chose qui est embêtant. Mais pour ma science à moi, c'est super, on va avoir une station météo magnifique avec des capteurs très très très performants, et on va peut-être apprendre plein de choses aussi. Et globalement, ça va être une belle mission. Puis c'est amusant parce que c'est une mission qui reste à échelle humaine, une équipe scientifique assez réduite, avec une forte participation française. Il faut vraiment se rendre compte que c'est quelque part un projet américano-français, allemand aussi, et ça va être une mission formidable. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de connaître l'état grâce à ce sismographe du noyau de la planète? Parce que Mars, pour le moment, on ne sait pas encore, on n'est pas sûr de l'état du noyau de la planète Mars. Ouais, on a quelques indices liés avec d'autres méthodes que je ne vais pas détailler. Quand on regarde la très fine trajectoire des satellites autour de Mars, on a pu estimer que le noyau de Mars devrait être liquide. Ça, c'est la grande question. Si c'est que du fer, à cette température-là, telle qu'on nos modèles l'indiquent, il devrait être solide. Mais s'il y a un petit peu de soufre, par exemple, on peut imaginer qu'il est liquide. Pour l'instant, on a l'impression qu'il est liquide. Mais pour répondre à cette question, moi, j'ai envie de dire, en fait, cette mission-là, elle n'est pas que au sujet de Mars. Pour l'instant, en gros, on n'a qu'un seul exemple de planète tellurique qu'on a pu étudier, c'est la Terre. un petit peu la Lune, mais la Lune, franchement, c'est vraiment, il se passe pas grand chose parce que c'est pas très, la densité au cœur de la Lune, c'est presque rien par rapport à la Terre, quoi. Et Mars, c'est quand même bien intermédiaire. Et donc, l'enquête sur Mars, c'est vrai qu'on pourrait croire que, pourquoi enquêter sur l'intérieur de Mars? À quoi ça sert? Eh ben, c'est vraiment ce qu'on appelle de la planétologie comparée. C'est-à-dire que, un peu comme en médecine, on étudie les autres animaux pour comprendre comment la biologie fonctionne et donc mieux soigner l'homme, je dirais. Eh bien là, en étudiant un nouveau cas en plus de la Terre, on va vraiment pouvoir généraliser toute notre compréhension de comment les planètes telluriques, les planètes rocheuses fonctionnent. Et donc Mars, c'est juste un peu comme des fois on étudie la grenouille verte, vous savez, pour battre le, étudier le cancer. Bah là, on étudie Mars pour Mars lui-même, mais aussi vraiment pour généraliser notre compréhension de la géophysique. Et c'est quand même important. Donc InSight en novembre, et puis ensuite ça va être un peu l'embouteillage sur Mars. Il y a beaucoup de missions qui vont arriver et qui vont partir dans les prochaines années. Caroline Fraissinet. Effectivement, donc il y en a plusieurs, donc une en particulier sur laquelle je suis impliquée, donc c'est ExoMars en 2020. Donc en 2020, on a deux grosses missions qui vont atterrir sur Mars. On a Mars 2020 par les Américains et ExoMars 2020. Et ExoMars a un instrument qui s'appelle MOMA, pour le Mars Organic Molecule Analyzer, qui a vraiment la petite sœur de SAM sur Curiosity et qui va rechercher des molécules organiques puisé à 2 mètres de profondeur dans le sous-sol martien, donc protégé des rayonnements. Donc on s'attend à trouver éventuellement des molécules plus complexes. En plus, on embarque donc ces réactifs chimiques qui vont permettre de nous donner des indices sur l'origine des potentielles molécules qu'on va trouver. Est-ce qu'elles sont plutôt d'origine biologique ou d'origine chimique? Donc, on va pouvoir discriminer ça. On va pouvoir discriminer. Si on trouve des molécules suffisamment complexes, on saura discriminer leur origine. Et c'est la première fois depuis Viking en 1976 que l'on va vraiment rechercher des traces de vie sur Mars, en sachant qu'on connaît beaucoup mieux la planète grâce à toutes ces missions InSight qui finalement nous donnent du contexte, nous donnent l'environnement martien. Et si on ne connaît pas le contexte, on ne peut pas déterminer des missions, des stratégies pour rechercher la vie. Donc là, en l'occurrence, en 2020, on est beaucoup plus à même de savoir qu'est-ce qui se passe sur Mars. Donc on va rechercher en toute connaissance de cause ces molécules organiques dans le sous-sol martien, potentiellement des traces de vie. François Forget. Ouais, c'est vrai qu'en 2020, il va y avoir une vraie vague d'exploration. Donc, il y a ce rover américain qui va faire un peu comme Curiosity, mais avec d'autres instruments. Et puis surtout, il va préparer la mission de retour d'échantillons. En gros, il va se promener, ramasser des cailloux, les mettre dans des boîtes de conserve. Et un peu plus tard, peut-être en 2026, un rover, peut-être européen d'ailleurs, ira ramasser ces boîtes de conserve, les ramènera à une fusée. On les mettra en orbite, on les ramènera sur Terre, et là on va pouvoir les étudier avec les énormes laboratoires qu'on a sur Terre avec une précision inégalée. Mais c'est pas tout. En 2020, il y a des missions étonnantes. Par exemple, les Émirats Arabes Unis préparent, en collaboration avec différentes universités, préparent une mission assez scientifique, assez ambitieuse, plutôt dédiée à l'étude du climat et de l'atmosphère de Mars, on en parlait tout à l'heure, donc qui arrivera en 2021 en orbite autour de Mars, et pour un peu faire progresser notre connaissance. Et ce n'est pas tout. Les Chinois, un peu comme ils ont fait sur la Lune, certains peut-être s'en souviennent, il y a eu un atterrisseur avec un petit rover qui s'appelait le Lapin Jade et tout, qui a été posé sur la Lune. On peut envisager, ils envisagent de faire ça, la même chose sur Mars, en 2020, peut-être en 2022. Les Indiens ont dans leur carton un nouveau satellite en orbite qui s'appelle Mangalayaan 2. Les Japonais vont envoyer une mission vers Phobos. Bref, il y a une vraie vague d'exploration à partir de 2020. C'est chouette, on va pouvoir faire encore des tonnes et des tonnes d'émissions autour de Mars et en apprendre toujours un peu plus. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler de cette actualité martienne de l'été et de l'année 2018. Merci Caroline Fraissinet. Merci François Forget. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne, Noémie Nagui de Saint-Villefranc, Tob Mdemstock, Olivier Bétard à la réalisation et Lise Le à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, c'est une autre actualité qui est passée assez inaperçue dans la torpeur estivale. Aux États-Unis, la neutralité du net a été abrogée, conduisant à des situations ubuesques comme ces pompiers californiens qui ont été empêchés dans leur lutte contre les incendies parce que le débit de leur ligne internet avait été limité par leur opérateur. Alors, la fin de la neutralité du net demain en Europe, on en parle demain à 16h dans la méthode scientifique, jusqu'à preuve du contraire.